إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. نعم. Donc on a commencé hier dans le cours 16. On a expliqué qu'est-ce qui a rapport avec la foi à la fin. Donc, on était arrivé à la question de Al-Iman selon Ahl Sunnati wal Jama'a. Et aujourd'hui, donc, on continue sur ce même sujet dans le cours 17. Donc, aujourd'hui, c'est le cours 17. Dans l'explication de la Aqidah de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Et c'est avec l'explication de Sheikh Saleh al-Fawzan. Donc, on a expliqué hier, comme l'imam Ibn Abi Zayd l'a expliqué, que la foi, c'est une parole avec la langue, une croyance avec le cœur et une action avec le corps. Elle augmente avec les bonnes œuvres et elle diminue avec les péchés. Donc, maintenant, on a expliqué certains éléments à ce sujet-là et les preuves que la foi, c'est justement ces différentes choses qui la composent. Maintenant, on va continuer à expliquer maintenant certains groupes et certaines sectes qui ont dévié dans la définition de la foi. Et la secte une des sectes qui a dévié au sujet de la définition de la foi, c'est Al-Murji'a. Donc le Cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit « Amma Al-Murji'a, fahum yukhrijoun al-a'mal min haqiqati l'iman wa ta'rifihi, wahum firaq. Minhum man yakulu إن الإيمان قول باللسان فقط وهم الكرامية ومنهم من يقول الإيمان اعتقاد بالقلب فقط وهم الأشاعرة ومنهم من يقول الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان فقط ولا يدخل فيه العمل وهم مرجئة الفقهاء ومنهم من يقول الإيمان مجرد المعرفة في القلب وإن لم يعتقد وهم الجهمية وهم شر فرق المرجئة فكلهم متفقون على أن العمل لا يدخل في الإيمان ولذلك سموا بالمرجئة من الإرجاء وهو التأخير لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان. Donc le cheikh il explique, il dit que donc, parmi les gens qui ont dévié au sujet de la foi, donc il y a plusieurs sectes qui ont dévié au sujet de la foi. Parmi les sectes qui ont dévié au sujet de la foi, il y a par exemple les Khawarij, et il y a aussi les Murji'a. On a parlé des Khawarij déjà, puis on va en reparler de toute façon. Et maintenant, on va parler d'une autre secte qui a dévié au sujet de la définition de la foi, c'est les Murji'a. Et les Murji'a, leur problème dans ce qui concerne la foi, c'est que eux, ils considèrent que les œuvres et les actions, les bonnes œuvres et les bonnes actions qu'on fait, bon ça n'a pour eux, les bonnes actions, les péchés qu'on fait avec notre corps, ça fait pas partie de la foi pour eux. Ça n'a rien à voir avec la foi pour eux. Et c'est pour ça que les Murji'a sont divisés en différentes sectes. C'est-à-dire que les Murji'a sont une secte, mais à l'intérieur de cette secte, il y a différents degrés d'égarement, différents degrés d'égarement parmi les Murji'a. Donc, le Cheikh, il les mentionne en un après l'autre, c'est-à-dire il mentionne chacun de ces différents groupes-là. Donc, il commence par un d'entre les groupes des Murji'a qu'on appelle Al-Karramiyya. Et il dit que ceux-là, qu'est-ce qu'eux, ils disent à propos de la foi, que c'est seulement la parole avec la langue. Donc, du moment que tu dis avec ta langue, hein, que tu dis la ilaha illallah, tu dis la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, t'es mu'min, même si tu crois pas dans ton cœur. Et les ulama ont dit, ces gens-là, ils font même rentrer dans la foi les munafiqoun, les hypocrites. A'udzubillah. Donc, ça, c'est un des groupes de bid'a parmi les murji'a, al-karramiya, on les appelle al-karramiya. Le deuxième exemple que le cheikh a mentionné, c'est le groupe des Asha'ira, al-Asha'ira. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la foi, c'est seulement, yani, la croyance du cœur seulement. Hein? Souvent, ils disent al-iman wa al-tasdiq, c'est-à-dire c'est de croire avec le cœur seulement. Et les paroles et les actions ne font pas partie de la foi. Et ça, tu rencontres souvent des musulmans comme ça, tu les vois, ils font pas la salat, ils font pas le jeûne, ils font rien. Tu les vois faire tous les péchés, toutes les choses interdites, tu les vois les faire. Hein? Homme ou femme. Tu vois, un homme, il ne fait pas la salat, il ne prie pas, il ne jeûne pas, rien. Et puis, il fait tous les péchés. Hein? Il boit de l'alcool et autres. Il fait le zina, des choses comme ça. Et puis, tu lui dis, mais tu devrais... Hein, changer, tu devrais te repentir, tu devrais revenir à l'islam. Non, la foi c'est dans le cœur. Hein? A'udhu billah. Ça c'est l'égarement. Et les femmes la même chose. Hein? Donc, ça c'est les Asha'ira. Il y a beaucoup de soufis, c'est des Asha'ira. Donc quand vous voyez des soufis, souvent des soufis, ils sont soufis et ils ont en même temps la croyance des Asha'ira. Donc ça rentre ensemble. Tu vois, ça vient ensemble, souvent. Et donc, c'est pas surprenant de la part de ces gens-là. Ils excluent de la foi et de la réalité de la foi les œuvres et les actions et même les paroles. Allah musta'an. Minhum man yaqul, et parmi les sectes des Murji'iyana également qui disent que la foi c'est la croyance du cœur et une parole de la langue seulement. Mais les actions n'entrent pas dans la foi. Et ceux qui ont cette position-là, c'est les murji'a, qu'on appelle murji'atul fuqaha. Murji'atul fuqaha. C'est-à-dire qu'on trouve ces gens-là parmi les ahnaf. Hein, parmi les gens qui sont sur le madhab. Yani al-hanafi. Donc tu vois, parmi eux, ils ont cette aqidah, c'est les maturidiyah. Ils disent, la foi c'est seulement la croyance du cœur et les paroles. Mais les actions n'entrent pas dans la foi. Donc ça c'est aussi un autre groupe. Hein, qui a une bid'a sur ce sujet. Et parmi eux également, il y a une autre secte, puis ça c'est la pire, parmi les sectes des Murji'a, c'est la secte des Jahmiyyah. Les Jahmiyyah sont des Murji'a dans l'Iman, mais eux c'est la plus égarée de toutes et la plus extrémiste dans l'Irja. Pourquoi? Parce que pour eux, la foi, c'est seulement la connaissance du cœur. Hein? Donc, tu connais Allah dans ton cœur, tu sais qu'il existe, ça y est, t'es mu'min. Donc, pour eux, même Iblis, même le diable, il est croyant. Et même Pharaon était croyant. Tout le monde, pour eux, sont croyants, depuis qu'ils connaissent Allah. Donc, depuis qu'ils reconnaissent son existence. Donc, ça, c'est un groupe parmi les plus extrémistes et les plus égarés, parmi les sectes des Murji'a. Même s'ils ne croient pas à Allah, mais c'est-à-dire il ne croit pas en Allah, il ne pratique rien de la religion, il ne reconnaît rien de la religion, mais juste il connaît Allah dans son cœur, ça y est, il est mu'min. Donc ça c'est le pire parmi les sectes des Murji'a. Mais peu importe leur degré, il y a une chose sur laquelle ils sont tous d'accord, c'est que les actions n'entrent pas dans la foi selon eux. Hein? Et ça c'est un égarement. Et le cheikh il dit, c'est pour ça qu'on les a appelés Murji'a. Ça vient du terme ou du mot arabe irja. Et irja, ça veut dire at-ta'khir, c'est-à-dire de retarder, hein, ou de reculer. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont fait reculer les œuvres, ou retarder les œuvres de la définition de la foi. Pour eux, les actions, ça ne fait pas partie de la foi. Le Cheikh, il dit, وَأَمَّا كَوْنُ الْإِيمَانِ يَزِيدُ بِالطَّاعَ فَهَذَا فِي الْقُرْآنِ قَالَ تَعَالَى وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْ هُدًى وَقَالَ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَقَالَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فدلت هذه الآيات على أن الإيمان يزيد. Donc le cheikh il explique que il y a des preuves, il y a des preuves dans le Coran et même dans la Sunna que la foi elle augmente avec les bonnes œuvres. Et ça, il y a plein de versets dans le Coran à ce sujet. Et il mentionne le verset 76 dans Sourate Maryam, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et Allah augmente la guidance à ceux qui ont été guidés. Ou bien plutôt, il augmente en guidance ceux qui ont été guidés. Donc c'est la preuve que la foi, elle peut augmenter, la guidance peut augmenter. Tu peux être guidé, puis tu peux être encore mieux guidé. La guidance a des degrés. Et également dans Surat Al-Anfal, le verset 2, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Lorsqu'on leur récite nos versets, cela augmente leur iman. زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Ça veut dire ça les augmente en foi. Et le verset 124 dans Surat Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsque une surat est révélée, alors parmi eux, il y en a qui demandent, lequel d'entre vous est-ce que cette surah a augmenté? Donc, lequel d'entre vous a senti sa foi augmenter lorsqu'il a entendu cette surah? Ou lequel d'entre vous sa foi a augmenté à cause de cette surah? Ceux qui ont cru, eh bien, cela a augmenté leur foi et ils s'en réjouissent. Donc ça c'est le verset 124 dans Surat At-Tawbah. Et donc ça c'est la preuve que dans le Coran il y a la preuve que la foi elle augmente. Et le cheikh il dit وكذلك ينقص الإيمان بالمعصية ونقص العمل. قال صلى الله عليه وسلم وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وفي لفظ آخر وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فدل على أن الإيمان يكون ضعيفا وقد يكون قليلا وقد يكون مثقال حبة من خردل. وفي الحديث أن الله تعالى يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيكون الإيمان مثقال حبة من خردل وهذا أقل شيء ولكن الله ينجي صاحبه يوم القيامة من النار بإيمانه ولو كان قليلا فدل على أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي فكلما أطعت الله زاد إيمانك. Donc le cheikh il explique que la foi également elle diminue par les péchés ou bien par la diminution des œuvres, la diminution des bonnes œuvres. Et il mentionne comme preuve à ce sujet un verset dans lequel Allah, ou bien un hadith plutôt dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et le plus bas niveau de la foi ou la plus basse des branches de la foi, c'est le fait d'enlever quelque chose qui nuit sur le chemin. Et également dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam muslim aussi comme le premier, il dit celui qui d'entre vous qui voit un mal qu'il le change par sa main, et s'il n'est pas capable alors qu'il le change par sa langue, et s'il n'est pas capable alors qu'il le change par son cœur, et cela est le plus faible niveau de la foi. Donc ça veut dire qu'il y a un niveau plus faible dans la foi, et donc ça prouve que la foi diminue. Et également, il y a une autre version de ce même hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, après avoir mentionné le fait de ne pas être capable de changer le mal par la langue, et il dit, et qu'il le change ensuite s'il n'est pas capable par le cœur, et il dit ensuite, et après cela, ou derrière cela, il n'y a même pas le poids d'une graine de moutarde de foi. Il n'y a même pas le poids d'une graine de moutarde de foi. Et la graine de moutarde, c'est quelque chose de très très petit et très léger. Il y en a qui pèsent presque rien dans une balance, mais c'est pour montrer que la foi de quelqu'un peut diminuer jusqu'à ce qu'elle devienne comme une graine de moutarde. Allah al-musta'an. Et donc, c'est-à-dire, comme le cheikh il explique, que la foi peut être comme une graine de moutarde, hein, et ça c'est les plus petites choses, et également, Allah subhanahu wa ta'ala, malgré tout, il va sauver son, celui qui possède cette foi, même si c'est petit, Allah subhanahu wa ta'ala va le sauver au jour de la résurrection de l'enfer éternel. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala va faire sortir de l'enfer quiconque avait même une graine de moutarde. Allah va dire, faites sortir quiconque avait une graine de moutarde de l'enfer. Donc ça c'est une graine de moutarde. Allah va dire, faites sortir quiconque avait une graine de moutarde de foi dans son cœur, et yani faites le sortir de l'enfer. Et donc c'est pour dire que yani, même si quelqu'un avait une petite foi, du moment qu'il avait un peu de foi, même à ça, il ne va pas rester éternellement en enfer. Et c'est-à-dire que la personne est morte sur le shirk, c'est-à-dire elle est morte sans commettre de shirk, sans être sur le shirk, elle était sur le tawhid, mais par contre elle a commis des péchés, elle avait commis nombreux grands péchés, et elle avait une foi très très faible, mais étant donné qu'elle n'est pas morte, c'est-à-dire elle n'est pas morte sur le shirk, eh bien, elle ne sera pas éternellement en enfer à cause de ça. Le cheikh, il explique ensuite, il dit, donc ça c'est la preuve que la foi, elle augmente et elle diminue, et elle augmente avec les bonnes œuvres et elle diminue avec les péchés. Donc plus une personne obéit à Allah, plus sa foi augmente, et plus une personne désobéit à Allah, plus sa foi diminue. Et il dit le cheikh que la diminution et l'augmentation de la foi, c'est quelque chose qui est donc relié aux œuvres. Et donc, plus tu fais de bonnes œuvres, plus ta foi augmente, et plus tu fais des désobéissances, ou bien plus tes bonnes œuvres diminuent, et bien ta foi diminue. Et pour les gens de Bid'a comme les Murji'a, pour eux, la foi, elle diminue pas et elle augmente pas. Pourquoi ? Pourquoi la foi pour eux, elle diminue pas et pourquoi elle augmente pas pour eux ? Exactement, barakallahu fik. Parce que pour eux, les actions ne font pas partie de la foi. Et on sait que la foi, elle augmente et elle diminue par rapport aux actions. Donc si quelqu'un dit les actions ne font pas partie de la foi, donc pour eux, la foi, c'est égal pour tout le monde. La foi des anges, la foi des prophètes, la foi des sahaba, la foi des criminels, la foi des voleurs, la foi des pécheurs. Pour eux, tout ça, c'est le même. La même foi, le même degré. Et aussi, une des causes de leur égarement, c'est aussi par rapport à leur définition de la foi. Ils ne se sont pas basés sur la charia pour définir la foi, mais ils se sont basés sur des définitions linguistiques et parfois même philosophiques, et non pas islamiques. Jahmiya et autres. À cause de ça, ils ont dévié dans la foi. Ensuite, l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il dit: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. الله أكبر. Ça, des paroles comme ça, tu retrouves que chez les imams d'Ahlus Sunnah. Hey, naam, chez les imams des salaf. Ça c'est fort, yani, qu'est-ce qu'il explique ici. Donc il dit la parole de la foi ne peut être complétée que par l'action. Et la parole et l'action ne peut être complétée que par l'intention, dans le cœur. Et la parole et l'action et l'intention ne peuvent être valables que si elle est en accord avec la sunna. Subhanallah. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique. Il dit, Al-Iman yakun imanan kamilan wa yakunu imanan naqisan. كمال الإيمان على نوعين كمال واجب أو كمال مستحب. Donc le cheikh il dit que la foi elle sera parfaite ou bien elle sera déficiente ou bien diminuée, moins complète. Elle sera soit complète ou une foi qui est diminuée. Et la foi quand elle est complète, la foi complète elle est de deux catégories. C'est la foi complète obligatoire ou la foi complète recommandée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la foi complète qui est par rapport à qu'est-ce qui est obligatoire, dans le sens que tu as fait tout ce qui était le minimum obligatoire, ou bien la foi complète dans le sens que même après avoir fait ce qui est obligatoire, tu as fait des bonnes œuvres surérogatoires et supplémentaires, donc ta foi est encore plus complète. Mais il y en était, tu as dépassé même le degré de qu'est-ce qui est obligatoire de la foi. Le cheikh ensuite il dit wala budda fil qawli wal amali an yakuna bi niyya amma bidun niyya fala yu'tabar. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن قال كلمات طيبة من قال كلمات طيبة ولكنه لم ينوي فليس له شيء وكذا من عمل عملا بدون نية كأن صلى تطوعا وصام وتصدق وليس له نية فهذا ليس له أجر لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Le cheikh il explique, il dit que il faut que l'action, il faut que la parole et l'action soient faites avec l'intention. Il dit sans l'intention, l'action et la parole ne sera pas pris en considération, et la preuve c'est dans la parole du prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il dit que les œuvres ne valent que selon leurs intentions, et quelqu'un ne sera récompensé que selon ce qu'il a eu comme intention. Et donc, les bonnes paroles qui sont dites, mais qui ne sont pas dites avec une bonne intention, ou avec l'intention de plaire à Allah seul, eh bien, c'est comme si la personne n'aura rien fait. Hein? De même que les actions, si elles sont faites sans intention, comme par exemple quelqu'un qui a fait des actes surérogatoires de prier, ou de jeûner, ou de donner un sadaqa, mais il n'avait pas d'intention, hein? Donc c'est comme s'il n'avait rien fait, il n'aura pas de récompense pour ça, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les œuvres ne valent que selon leurs intentions, et chaque personne n'aura que ce qu'il a eu comme intention, n'aura de récompense que selon ce qu'il a eu comme intention. Il dit ensuite le cheikh, puis ensuite il faut que tout ça soit en accord avec la sunna. ثم أيضا لا بد من موافقة السنة فمن قال قولا أو عمل عملا يخالف السنة فإن قوله وعمله باطل ولا اعتبار له حتى يعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك من العلماء من يقول إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح مع موافقة السنة ويخرج بذلك المبتدعة فالمبتدعة ليس عندهم إيمان إما ليس عندهم إيمان أصلا وإما عندهم إيمان ناقص ينقص بالبدع نسأل الله العافية. Donc le cheikh il dit, puis ensuite il faut, après tout ça, que ce soit en accord avec la sunna. Donc celui qui dit une parole ou qui fait une action qui est en contradiction avec la sunna, alors dans ce cas-là, sa parole et son action sont, c'est quelque chose de faux. Hein? Sa parole et son action sont dans le faux, et donc ils ne sont pas pris en considération jusqu'à ce qu'il agisse selon la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que les ulama ils disent, ils disent, par exemple, parmi les ulama, il y en a qui disent la foi c'est une parole avec la langue, une croyance avec le cœur, une action avec le corps, tout en étant en accord avec la sunna. C'est-à-dire qu'ils font sortir de la foi les mubtadi'a. Pour eux, les mubtadi'a n'ont pas de foi. Et ça veut dire probablement deux choses. Soit qu'ils n'ont pas de foi du tout, à la base, ou soit qu'ils ont de la foi, mais c'est une foi qui est déficiente, une foi qui est incomplète. Nasallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh il dit, l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il mentionne un autre point maintenant, il va parler maintenant de ceux qui ont dévié dans yani le takfir, et c'est les khawarij. Donc il dit, وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. C'est-à-dire que n'y a personne parmi les gens de la Qibla qui va être déclaré mécréant ou kafir à cause d'un péché qu'il a commis. Il n'y a personne parmi les musulmans, parmi les gens de la Qibla, c'est les musulmans, qui peut être déclaré kafir ou être déclaré mécréant à cause d'un péché qu'il a commis. Et le cheikh il dit هَذَا أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّ مَا دُونَ الشِّرْكِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْمَعَصِي أَنَّهُ مُحَرَّمٌ وَفِيهِ وَعِيدٌ ولكن لا يصل صاحبه إلى حد الكفر وهو الخروج من الملة ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت فإنه إذا حصل منه ذنب دون الشرك ودون الكفر فإنه ينقسم إلى قسمين إما كبائر وإما صغائر وعلى كل فالكبيرة والصغيرة دون الشرك لا تقتضي الكفر المخرج من الملة قد تسمى كفرا أصغر أما أنها تخرج من الملة فهذا إنما يكون عند الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالكبائر ويحكمون على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار وهذا مذهب باطل ولذلك يكفرون أهل السنة ويقاتلونهم ويستحلون دماءهم وأموالهم بناء على مذهبهم وأما أهل السنة والجماعة فيقولون المعاصي تنقص الإيمان ولكنها لا تخرج من الملة كما دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. Donc le cheikh il dit, نعم. Donc le cheikh il dit la base parmi les bases d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Ça, c'est un des fondements parmi les fondements de Ahlus Sunnah wal Jama'a, hein, que tout ce qui est en dessous du shirk et tout ce qui est moindre que le shirk, parmi les péchés et les désobéissances, eh bien, il n'y a pas de doute que c'est quelque chose qui est haram, il n'y a pas de doute qu'il y a des menaces au sujet de celui qui les commet, mais par contre, ça n'atteint pas, hein, la personne qui a commis ces péchés-là, qui sont moindres que le shirk ou que le kufr majeur, eh bien, il n'y a pas de doute que ce qu'il a fait, cette personne, il n'atteint pas le degré du kufr qui fait sortir de la religion. Tant que la personne a témoigné que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, la ilaha illallah, et que Muhammad est le messager d'Allah, anna Muhammadan Rasulullah, et qu'il a établi la salat, et qu'il a donné la zakat, et qu'il a jeûné le jeûne du ramadan, et qu'il a fait le hajj, hein, eh bien, s'il a commis un péché, parmi les péchés, qui est moindre que le shirk, moindre que le kufr, alors dans ce cas-là, on sait que les péchés qui sont moindres que le shirk, moindres que le kufr majeur, que ça se divise en deux catégories, les grands péchés et les petits péchés. Et il dit, de toute façon, les grands péchés et les petits péchés qui sont moindres que le shirk, ils n'impliquent pas que quelqu'un soit sorti de la religion s'il les a commis. Et donc, c'est possible qu'on dise que le kufr, que ce soit un kufr mineur, oui, mais un kufr majeur qui fait sortir de la religion, hein, ça, yani, personne dit qu'un musulman qui commet un kufr mineur ou bien un grand péché parmi les grands péchés qui est moindre que le shirk et moindre que le kufr majeur, il n'y a personne parmi les musulmans qui prétend que ce musulman-là a quitté l'islam à cause de ça. Hein, comme par exemple, si quelqu'un boit de l'alcool, ou bien il fait le zina, ou bien il a pris du riba, ou des choses de ce genre. Il n'y a personne parmi les musulmans qui a le droit de déclarer que celui qui fait ça a quitté l'islam. De même que si un musulman, par exemple, il juge par autre que la loi d'Allah, mais il ne le déclare pas halal, ou il ne dit pas que c'est égal, hein? Il ne dit pas que c'est égal à la charia d'Allah, il ne dit pas que c'est supérieur à la législation d'Allah. Mais il le fait par une passion qu'il a dans son cœur ou pour un intérêt de la dunya et il reconnaît que c'est un péché et que c'est haram, on n'a pas le droit de déclarer celui-là comme étant un kafir. Hein? Contrairement aux khawarij. Donc ceux qui font ça, c'est les khawarij. Hein? Qui considèrent que si un musulman fait un grand péché, il sort de l'islam. Et ils jugent pour les musulmans qui ont commis des grands péchés, ils disent que ce sont des kuffars et ils vont être éternellement en enfer. Et même qu'ils rendent licite leurs biens et leurs saints, et donc ils les tuent et ils prennent leur argent et leurs biens. Ça, c'est une voie qui est complètement fausse. C'est une voie d'égarement. Et c'est pour cette raison que yani, les khawarij, ils déclarent les musulmans qui suivent la sunna, ils les déclarent kuffar. C'est-à-dire, les khawarij déclarent kuffar les gens de la sunna. Ils déclarent les gens de la sunna, les khawarij déclarent les gens de la sunna comme étant des kuffar, et ils combattent les gens de la sunna et ils rendent leur sang licite et leur bien licite en se basant sur leur secte et sur leurs fausses croyances. Comme ils ont combattu par exemple les sahaba. Hein, les premiers khawarij qu'on appelle on les appelait à l'époque les haruriya, hein, eh bien ils ont combattu les sahaba, ils les ont tués. Ils pensaient qu'en faisant ça ils établissaient la loi d'Allah et qu'ils pensaient qu'ils établissaient le djihad, hein, Allah musta'an, comme les Daesh aujourd'hui, comme les Qaïda, Daesh, Boko Haram et les autres groupes, hein, de djihadia, hein, djihadia, djihadistes qui prétendent établir la charia ou l'islam ou des choses de ce genre. Tous les groupes, les partis, Jabhat al-Nusra, tous les autres groupes, les noms qui se donnent, ceux qui sont d'accord avec ceux-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens, parfois ils ne vont pas aller avec eux, hein, ils restent ici assis à Montréal ou en France ou ailleurs. Ils ne vont pas aller avec eux. Mais ils sont d'accord avec qu'est-ce qu'ils font. Et ils sont d'accord avec eux dans leur cœur. Alors ils sont comme eux. Ils sont des khawarij. Eux aussi sont des khawarij. Ils sont des khawarij avec eux aussi. Donc ça c'est important de bien comprendre. Il y en a des fois, les gens ils disent « Non, moi je fais rien, je suis ici, je fais rien, j'ai rien fait. » Mais du moment que dans ton cœur tu es sympathisant, et tu es d'accord avec ce qu'ils font et que tu les supportes, hein, c'est-à-dire que tu es un khariji toi aussi. Même Cheikh Al-Fawzan l'a dit, même si tu n'as rien fait, même si tu n'as rien dit, hein, même si tu n'as rien dit, juste dans ton cœur, tu es content, tu es d'accord avec eux, tu les supportes, tu es un khariji avec ces khawarij. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, hein, tu ne peux pas t'échapper. Et même c'est ça que les salafs disaient, même qu'il y en a des ulama qui ont expliqué qu'il y a une secte parmi les sectes des khawarij, on l'appelle les qa'adiyya. Et les qa'adiyya, eux, ils ne prennent pas les armes, mais ils incitent les autres à le faire. Ils incitent les gens à se rebeller, à se révolter, à prendre les armes. Mais eux, ils ne le font pas. Et les salafs ont dit que ceux-là sont pires que les pires des khawarij. Na'am, les qa'adiyya. C'est-à-dire, c'est les khawarij, mais eux, ils sortent pas. Hein? Donc, c'est pour ça, il ne faut pas penser. C'est pour ça que les kuffars, leur technique, ou leur façon de distinguer entre les musulmans qui sont soi-disant radicaux ou extrémistes, et leurs méthodes sont limitées. Parce que, avec leur liberté d'expression, leur liberté de croyance, leur liberté d'opinion, quelqu'un peut dire qu'est-ce qu'il veut. Même appeler à la voix des khawarij, ils disent nous, on ne peut rien dire, on ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que pour eux, la croyance des khawarij, elle est légale, elle est permise. Sauf maintenant, ils ont établi des règles, hein, ils ont commencé à changer pour, soi-disant, stopper le terrorisme. Donc là, ils ont rendu les règles un peu plus serrées, un peu plus sévères. Ils ont été obligés de limiter certaines libertés parmi les libertés qu'ils donnaient auparavant. Pourquoi? Parce que leur système est rempli de failles. Leur système est rempli d'imperfections. Tandis que s'ils étaient sur la charia d'Allah, et s'ils suivaient les enseignements qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire de son messager, ils auraient su comment distinguer les gens qui appellent à la vérité, les gens qui appellent au faux, et quand est-ce que quelqu'un tombe dans l'extrémisme, et quand est-ce que quelqu'un est sur la voie qui est légiférée. Mais quand quelqu'un est dans le coffre, comment il peut distinguer entre qu'est-ce qui est la vérité de qu'est-ce qui est faux? Déjà pour lui tout est égal, tout est faux, hein? Ou bien tout est mélangé, il ne distingue pas. Et c'est ça qui est triste en fait, parce que là on voit que à cause de ces différents groupes de khawarij qui existent maintenant dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans, le résultat c'est quoi? C'est que ces gens-là ont sali, ils salissent l'image de l'islam et ils salissent tous ceux qui travaillent pour l'islam et qui font de la da'wa à l'islam, donc ces kuffars, ils ne font pas la distinction entre qui est-ce qui est sur la sunna, qui est-ce qui est sur la salafia, qui est-ce qui est sur la bid'a, qui est-ce qui est sur la voie des khawarij. Ils mélangent tout le monde des fois et puis ils mettent tout le monde dans le même paquet. Et à cause de ça, qui est-ce qui paye, hein? C'est les musulmans. C'est les musulmans qui sont sur la voie de la sunna et qui sont loin de l'extrémisme et des formes d'égarement de ces khawarij. Donc à cause de ces égarés, on est en train de payer maintenant. Donc c'est pour ça que on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous débarrasse de ces khawarij, de ces criminels qui font du désordre sur la terre et qui sont en train de salir l'islam et la charia d'Allah et qui prétendent établir un état islamique alors que leur état n'a rien d'islamique et n'a rien à voir avec la religion de l'islam ni la charia d'Allah. Hein? Et puis en arrière, il y a Allahu A'lam, qui est-ce qui est derrière ces choses-là. Mais le but, une chose est claire, leur seul but et la seule raison de leur existence, c'est de salir l'image de l'islam et des musulmans dans le monde. Hein? Maintenant, partout, tu vas aller partout, même dans les pays musulmans, des gens ils voient ces gens-là, à cause d'eux, certains ils commencent à détester l'islam. Parce qu'ils pensent que qu'est-ce que ces gens-là sont en train de faire, c'est une représentation de l'islam. Même des kuffars, maintenant, tu leur parles de l'islam, ils disent, non, Daesh, regarde qu'est-ce que Daesh est en train de faire. Et ils pensent que, à cause de, donc que ces gens-là représentent la religion de l'islam. Hein? Et même les missionnaires chrétiens, et ceux qui appellent au shirk et au christianisme, hein, dans les pays musulmans et autres, maintenant, ils utilisent ça aussi pour, justement, propager encore plus le christianisme, hein, et propager encore plus l'égarement et le kufr et la mécréance. Allahul Musta'an. Donc tout ça c'est à cause de quoi? À cause de ces khawarij. À cause de ces khawarij. Et dans les pays musulmans par exemple, dans les pays musulmans où l'armée ou bien le gouvernement n'est pas assez fort pour combattre ces khawarij par eux-mêmes. Parce que les khawarij sont armés. Et c'est qui les a armés? C'est les kuffars qui les ont armés. Mais ces kuffars les ont armés avec beaucoup d'armes sophistiquées et puissantes. Alors maintenant, certains pays musulmans, eux, ils sont pas assez armés, ils n'ont pas assez d'argent pour avoir des armes sophistiquées et pour être capables d'affronter les khawarij. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, ils sont obligés de faire affaire avec l'aide des kuffars pour... Hein, repousser ces khawarij. Allah musta'an. Et les kuffars en profitent pour contrôler les pays musulmans par cet intermédiaire-là. Hein? C'est un prétexte pour eux, puis après ils utilisent ça pour contrôler les pays musulmans. Donc tout ça, ça vient de quoi? Ça vient des khawarij. Et c'est pour ça qu'on dit les khawarij sont toujours une cause, hein, qui fait que les musulmans deviennent encore plus, hein, humiliés et plus écrasés à cause de ça. Ils prétendent vouloir défendre l'islam, mais ils sont en train de faire tout le contraire au nom de l'islam. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit ensuite, il dit donc ces gens-là ils font le takfir des musulmans et ils rendent leur sang halal, hein, et de prendre leurs biens en se basant sur leur voie. Il dit tandis que les gens de Ahl al-Sunnah wal Jama'a disent que non, les péchés qu'on fait diminue la foi, mais ne font pas sortir complètement de la religion. Hein? Comme cela a été prouvé par les preuves du Coran et de la Sunna. Le Cheikh il dit وقابل الخوارج المرجع الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب فما دام أنه مصدق بقلبه فهو مؤمن والعمل لا يدخل في حقيقة الإيمان فإنه لا تضره المعصية فضلا عن أنه يكون يكفر بها يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة أما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة فهذا صحيح وأما أنه لا يضر مع الإيمان معصية فهذا خطأ فالمؤمن تضره المعصية وإن كانت لا تخرجه من الملة ولكنها تضره فقد يعذب بها في النار فأصحاب الكبائر عند أهل السنة والجماعة وإن تابوا منها إن تابوا من فأصحاب الكبائر عند أهل السنة والجماعة إن تابوا منها تاب الله عليهم وإن لم يتوبوا فهم تحت المشيئة إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم بقدرها ثم يخرجون من النار وقد يبقون في النار مدة طويلة ولكنهم يخرجون منها بإذن الله إما بشفاعة الشافعين وإما بانتهاء مدة عذابهم وإما برحمة الله فمآلهم إلى الجنة كما دلت على ذلك الأدلة الصحيحة والله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Donc le chef explique que par opposition au Khawarij, il y a les Murji'ah, ceux qui disent que la foi c'est de croire avec le cœur seulement, et du moment que tu crois avec ton cœur, alors tu es croyant et les actions n'entrent pas dans la réalité de la foi et elles ne font pas de tort, hein, c'est-à-dire si tu fais un péché, ça ne fait pas de tort à ta foi, hein, et encore moins yani, te faire sortir de la foi ou bien te faire devenir mécréant. Donc c'est l'autre extrême. Les Khawarij sont un extrême, puis les Murji'ah sont l'extrême, l'opposé de cet extrême. Hein? Parce que souvent c'est comme ça. Quand quelqu'un il ramène une bid'ah, il y en a qui veulent opposer cette bid'ah, ils opposent cette bid'ah par une autre bid'ah, mais l'opposé, son extrême. Hein? Allahul Musta'an. Donc les Khawarij sont arrivés, ils ont fait sortir tout le monde de la foi. Les Murji'ah sont arrivés, ils ont dit non, personne sort de la foi, puis si tu fais des péchés, ça ne dérange pas ta foi non plus. Tu restes toujours correct, hein? Ta foi est complète et parfaite, peu importe les péchés que tu fais et peu importe les obligations que tu négliges. A'ouzou billah. Donc, le cheikh il explique, hein? Il dit, donc eux les Murji'ah ils disent, avec ta foi, si tu fais des péchés, ça ne fait pas de tort à ta foi. De la même manière que si tu es mécréant et que tu fais des bonnes œuvres, eh bien, tes bonnes œuvres ne te serviront à rien avec ta mécréance. Donc le cheikh il explique, il dit, c'est vrai de dire que si tu es mécréant, tes bonnes œuvres ne vont pas te profiter. Mais par contre, de dire que si tu as la foi, tes péchés ne vont pas te faire du tort, ça c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que le croyant, quand il fait des péchés, ça lui fait du tort. Même si ça ne fait pas sortir complètement de la religion, mais ça peut lui nuire et ça peut lui faire du tort. Et il peut être châtié dans l'enfer pour ces péchés-là. Donc les gens qui ont commis des grands péchés, selon Ahl Sunnati wal Jama'a, soit ils se sont repentis de ces péchés-là avant la mort. Alors dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter leur repentance. Ou soit qu'ils sont morts sans se repentir de ces péchés-là. Alors dans ce cas-là, ils sont sous la volonté d'Allah. C'est-à-dire que si Allah veut, il va leur pardonner, et si Allah veut, il va les châtier selon la quantité de leurs péchés. Puis par la suite, ils sortiront de l'enfer. Et ils peuvent rester longtemps en enfer, une très longue durée. Mais tôt ou tard, ils vont sortir par la permission d'Allah, avec l'intercession des intercesseurs, ou bien avec la terminaison de la période de leur châtiment, ou bien par la miséricorde d'Allah. Donc leur destinée finale, leur destination finale, ce sera toujours le paradis, comme cela a été prouvé par les preuves authentiques. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le Coran, dans le verset, dans surat An-Nisa, le verset 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. C'est-à-dire, Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché qui est moindre que le shirk à qui il veut. فَمُرْتَكِبُ الْكَبِيرَ دُونَ الشِّرْكِ تَحْتَ الْمَشِيئَةِ إِنْ شَاءَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ بِهَا ثُمَّ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةِ وَقَدْ تُصِيبُهُ مَصَائِبَ فِي الدُّنْيَا وَقَدْ يُعَاقَبُ بِمَعْصِيَتِهِ فَالْمَعْصِيَةُ تَضُرُّ وَتُنْقِصُ الإيمان فلا يتهاون بها ولكنها لا تصل إلى قول الخوارج إنه يكفر وإنه يخلد في النار فكلا المذهبين باطل ومذهب أهل السنة والجماعة هو الوسط بين المذهبين الباطلين في حق بين ضلالتين وحق بين ضلالتين فالخوارج أخذوا بنصوص الوعيد وقالوا بإنفاذ الوعيد والمرجئة أخذوا بنصوص الوعد وأهل السنة والجماعة أخذوا بالأمرين أخذوا بنصوص الوعيد وبنصوص الوعد وقالوا هذا راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى ولكن قول المصنف لا يكفر بذنب ليس على إطلاقه فهناك ذنوب يكفر بها مثل ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة متعمدا فإنه يكفر به بدليل الأحاديث، مثل قوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فترك الصلاة يكفر بها. Donc le cheikh il explique que ensuite il dit celui qui commet un grand péché qui est moindre que le shirk, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il va lui pardonner, et si Allah veut, il va le châtier par rapport à, hein, au péché qu'il a fait. Puis ensuite il va rentrer au paradis, et c'est possible que dans cette vie d'ici-bas il soit touché par certains malheurs, et ou bien qu'il soit puni pour certains de ses péchés, par exemple, dans cette vie d'ici-bas, si par exemple il a volé, on lui a coupé la main, ou s'il a fait le zina, puis on l'a fouetté, ou bien on l'a lapidé, ou bien si par exemple il a bu de l'alcool, on l'a flagellé, ou des choses comme ça, ça lui efface son péché, ce péché qu'il a commis. Ou bien par exemple, il meurt avec son péché sans se repentir, puis il est châtié dans le châtiment de la tombe. Et bien le châtiment de la tombe, c'est une expiation aussi pour ce péché. Ça va lui effacer ce péché-là. Donc quand il arrive au jugement dernier, il ne va pas être puni encore une fois pour ce péché-là. Donc c'est possible que quelqu'un soit expié, ou qu'Allah lui pardonne un de ses péchés à cause des châtiments qu'il a subis par rapport à ces péchés-là. Et donc, mais par contre, le cheikh il dit que le péché, donc, il nuit à la personne qui fait ce péché-là et diminue sa foi, et donc il ne faut pas prendre ça à la légère, hein, et dénigrer le danger ou diminuer le danger de la désobéissance à Allah. Mais elle n'atteint pas le degré que prétendent les khawarij, du fait que si quelqu'un fait un péché, eux ils considèrent qu'il va devenir mécréant et qu'il va rester éternellement en enfer s'il meurt sans se repentir ou des choses de ce genre. Et donc ça c'est pour dire que les deux voies, la voie des murji'a et la voie des khawarij, sont deux voies d'égarement et deux voies de fausseté, et que la voie de Ahlus Sunnati wal Jama'a c'est une voie intermédiaire, c'est-à-dire une voie qui est dans le juste milieu entre ces deux sectes d'égarement extrémistes, et c'est une vérité entre deux égarements. Donc les khawarij, eux, ils ont pris uniquement les textes qui parlent de la menace d'Allah dans les châtiments et dans les punitions pour des péchés. Tandis que les khawarij, ils disent la menace sera exécutée, hein, peu importe. Du moment que tu fais un péché, ça y est, tu sors de la foi. Les murji'a, eux, ils ont pris les textes de la promesse de la miséricorde d'Allah seulement. Ils n'ont pas regardé les textes de la menace pour les péchés et les châtiments. Et donc, ils sont dans deux extrêmes. Tandis que les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a, ils ont pris les deux. Les textes de la menace et les textes de la promesse. Hein? Et donc, ils ont réuni les deux ensemble. Et souvent, tu vois que les gens d'égarement, les gens de bid'a, ils dévient de l'islam parce qu'ils prennent une partie des textes et laissent l'autre partie. Dans plusieurs sujets, c'est ça qui arrive. Et ils suivent leur passion, ils suivent les mutashabihat, et ils laissent de côté les muhkamat. Donc le cheikh il explique que donc il faut prendre les deux, les textes de la miséricorde, les textes de la promesse et les textes de la menace ensemble, et tout ça revient à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'auteur il dit, le cheikh ici il met un point, il dit, l'auteur dit qu'on ne déclare pas les gens de la Qibla, les musulmans, mécréants pour un péché qu'ils ont fait. Il dit, le cheikh Al-Fawzan, qu'il y a des péchés pour lesquels quelqu'un peut devenir mécréant, comme par exemple le fait de délaisser la salat. Il considère, comme ça c'est la position de la plupart des ulama en Arabie Saoudite, et beaucoup d'ulama d'Ahl Sunnah ont eu cette position-là, comme cheikh l'imam Ahmad ibn Hanbal, c'est une de ses positions, qu'il a dit que celui qui abandonne la salat volontairement, hein, muta'ammidan, qu'il devient kafir. Et ils disent que ça c'est prouvé par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel, hein, qui est rapporté par Tirmidhi, qui dit l'entente ou le pacte entre nous et eux, c'est la salat, celui qui l'abandonne, il a rejeté la foi. Et l'autre hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, qui dit qu'entre l'homme et entre le shirk et le kufr, il y a l'abandon de la salat. Donc celui qui abandonne la salat, eh bien il devient mécréant. Ça c'est une opinion parmi les opinions des ulama d'Ahl Sunnah. Et puis il y en a d'autres ulama qui considèrent que la personne, du moment qu'elle reconnaît son obligation, si elle la délaisse par paresse, elle ne quitte pas la foi. Elle ne quitte pas la foi, elle est toujours musulmane. Et parmi les ulama contemporains qui ont supporté cette position-là, il y avait Cheikh Al-Albani et d'autres également. Donc c'est pour dire que il y a des ulama qui ont eu cette position-là à notre époque et dans le passé aussi, puisque les ulama mentionnent souvent que c'est la position de la majorité des ulama, al-jumhur. L'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, ça c'est leur position. Et même une des positions de l'imam Ahmad, comme l'a mentionné Ibn Qudama dans Al-Mughni. En tout cas, après le Cheikh il dit wa qawluhu wa min ahli al-qibla, yani min al-muslimin al-muwahhidin alladhina yusalluna ila al-Ka'ba wal-Ka'ba qiblatul muslimin. Donc quand il dit les gens de la qibla, il parle des musulmans, les gens qui sont sur le tawhid et les gens qui prient vers la Ka'ba, parce que la Ka'ba c'est la qibla pour les musulmans, c'est la direction vers laquelle ils s'orientent pour faire la salat. Après le Cheikh il dit l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il continue et il dit wa anna ash-shuhada'a ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, c'est-à-dire que les martyrs, ceux qui sont morts dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala pour défendre la religion d'Allah, eh bien s'ils meurent pour cette cause, eh bien ils sont des martyrs et ils sont vivants. Dans leur tombe, ils sont vivants et ils sont auprès de leur Seigneur. Allah leur donne leur subsistance. Le Cheikh, il va expliquer, Cheikh Al-Fawzan, qu'est-ce que ça signifie. Il dit min usul ahli sunnah wal jamaa'a anna ash-shuhada'a hum alladhina qutilu fi sabilillahi li'i'la'i kalimatillah. Annahum in matu fi ad-dunya wa intahat hayatuhum min ad-dunya illa annahum ahya'un fil barzakh. Ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون أي لا تشعرون بحياتهم لأنها حياة برزخية ومن أمور الآخرة وأمور الغيب فنحن نؤمن بأنهم أحياء ولكنها ليست كحياتهم على الأرض ولذلك تقسم أموالهم بعد قتلهم وتعتد نساؤهم عند عدة الوفاة وأما في الآخرة فإنهم أحياء حياة برزخية والمراد بهم الذين قتلوا في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله هؤلاء هم الشهداء وقد سئل صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. Donc le Cheikh il explique, il dit que parmi les fondements d'Ahl Sunnah wal Jama'a, il y a le fait de dire que, ou de croire que, les martyrs, ce sont ceux qui sont morts et qui ont été tués dans le sentier d'Allah, dans le but d'élever la parole d'Allah. Donc ceux-là, lorsqu'ils meurent dans cette vie d'ici-bas, eh bien, leur vie d'ici-bas est terminée. Il n'y a pas de doute que leur vie d'ici-bas est terminée et qu'ils sont morts dans cette vie d'ici-bas, mais que dans le barzakh ils restent en vie. Dans le barzakh ils restent en vie. Et le barzakh c'est quoi? Barzakh c'est la période ou bien un lieu entre ce monde et le monde de l'au-delà. Et c'est l'endroit où les gens attendent la résurrection lorsqu'ils meurent. Donc on appelle ça le barzakh. Et donc ils sont vivants auprès de leur Seigneur et ils ont leur subsistance auprès de leur Seigneur. Le Cheikh, il mentionne le verset dans Surat Al-Imran, le verset 169 et le verset 153 dans Surat Al-Baqarah, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ne pensez pas que ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah sont morts, mais plutôt ils sont vivants auprès de leur Seigneur et ils reçoivent leur subsistance. » Et également l'autre verset, ne dites pas à celui qui est mort dans le sentier d'Allah ou de celui qui est mort dans le sentier d'Allah qui sont des morts, hein, ils sont plutôt vivants, mais yani, vous ne le réalisez pas. C'est-à-dire vous ne réalisez pas, vous n'êtes pas conscient de leur vie, parce que c'est une vie qui est une vie du barzakh, c'est une vie de l'au-delà, une vie de l'invisible. Et yani, nous devons croire qu'ils sont vivants, mais leur vie c'est pas comme la vie d'ici-bas sur terre. C'est pour ça que lorsqu'ils meurent, eh bien leurs biens sont divisés selon l'héritage, hein, selon les règles de l'héritage islamique, et leur épouse également doit faire la idda, hein, comme la idda d'une femme dont le mari est mort, comme les veuves. Donc c'est la preuve qu'ils sont pas vivants, parce que s'ils étaient encore vivants, yani, on n'allait pas séparer leurs biens, on n'allait pas épouser leur femme après leur mort, mais ils sont vivants dans un autre sens, c'est-à-dire dans le sens qu'ils sont vivants dans le barzakh. Et qu'est-ce qu'on veut dire par les martyrs? On veut dire ceux qui sont morts lorsqu'ils sont tués à faire le djihad dans le sentier d'Allah pour élever la parole d'Allah. Ceux-là sont les shuhada. Yani, quand on parle des martyrs, c'est pas ceux qui font, yani, parmi les khawarij d'aujourd'hui et les takfiriens qui font des actes de terrorisme ou bien qui se font exploser avec des ceintures d'explosifs et font des attaques suicides ou des attaques kamikazes et puis ils pensent qu'ils sont des martyrs. Ça c'est pas du martyr, ça c'est des suicidaires, hein. Et même les ulama ont dit qu'est-ce qu'ils ont fait, ça c'est du suicide, et le suicide c'est haram, c'est interdit en islam, d'accord. Et également yani, de tuer des gens comme ça c'est pas islamique, yani, surtout quand il n'y a même pas de guerre déclarée officiellement, et ces gens-là ils s'en vont comme ça dans un endroit public et ils se font exploser soi-disant pour essayer de faire du tort à l'ennemi alors qu'il n'y a même pas de guerre. Et souvent ces koufars qui sont là dans des pays musulmans, ils sont là avec l'autorisation du dirigeant, hein, puis eux ils s'en vont comme ça les attaquer et les tuer. Donc ça c'est une forme, non seulement c'est un meurtre, hein, interdit par l'islam, mais en plus de ça c'est une forme de trahison et de traîtrise envers le dirigeant, une trahison envers l'islam, envers Allah et envers le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il le dit, hein, celui qui tue un kafir qui est sous la protection d'une entente de paix avec les musulmans, eh bien il ne sentira pas l'odeur du paradis. Donc c'est quelque chose de grave, mais c'est khawarij, yani pour eux ça n'a aucune valeur, hein. Les hadiths pour eux ça compte pas, yani. Ils n'ont pas aucune importance aux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve comment ils agissent vis-à-vis de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ces questions là ensuite il dit le cheikh que donc les martyrs sont ceux qui meurent donc et qui sont tués dans le sentier d'Allah alors qu'ils luttaient pour élever la parole d'Allah, c'est-à-dire qu'ils luttent dans le sentier d'Allah, dans le djihad qui est un djihad légal, c'est-à-dire que ce djihad-là il est fait derrière une bannière islamique, derrière un dirigeant, hein, derrière un dirigeant officiel d'un pays musulman, dans l'armée officielle de ce dirigeant-là, et non pas des groupes armés qui s'improvisent djihadistes dans un pays ou un autre alors qu'ils ne font pas partie de l'armée du dirigeant, hein, et qu'ils ont acheté des armes parfois même illégalement, c'est-à-dire par des moyens haram, en vendant de la drogue, de l'opium ou d'autres drogues comme ils le font dans certains pays musulmans. pour acheter des armes aux Américains ou à d'autres, puis après ça, ils utilisent ces armes pour tuer les musulmans et attaquer les musulmans. A'udhu billah. Donc, ça, c'est pas des mujahidines. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est pas le djihad. Et ils élèvent pas la parole d'Allah. Au contraire, ils rabaissent la parole d'Allah. Donc, ces gens-là sont pas des martyrs. Hein? Et on a demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, celui, l'homme qui combat par fierté, hein, par patriotisme, juste pour la fierté, pour le courage, hein, pour l'ostentation, pour montrer son courage. Est-ce que ça c'est dans le sentier d'Allah? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute, c'est lui qui est dans le sentier d'Allah. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari. Donc le shaykh il dit, wal qital fi sabilillah lahu dawabit, فليس لأي أحد أن يأخذ السلاح ويقتل ويفجر إنما لا بد أن يكون الجهاد في سبيل الله تحت قيادة ولي أمر المسلمين إما أن يباشر القيادة وإما أن يقيم بدلا منه من يقود الجيش في سبيل الله لأن إقامة الجهاد من اختصاص ولي الأمر ويجاهد المسلمين معه برا كان أو فاجرا ما دام أنه لم يكفر وأمر بالجهاد فإنه يطاع ويجاهد معه في سبيل الله أما الفوضى وكل يحمل السلاح ويفجر ويقتل فهذا ليس في سبيل الله بل هذا فساد وإفساد في الأرض وهذه فوضى والإسلام لم يأذن بهذا ولا يسمح به ولما لما يلزم عليه من سفك الدماء وضياع الحقوق وإتلاف الأموال فهذا فتنة والعياذ بالله وليس جهادا ثم ما هي النتيجة بعد ذلك إنها الفوضى وانفلات الأمن كما هو مشاهد. Donc Cheikh Al-Fawzan il vient de les démolir complètement là, juste avec ce passage, hein, il a clarifié, l'a fait clairement. Hein. Juste qu'est-ce que je disais là, juste avant ce passage, yani, le Cheikh il le mentionne yani, encore plus clairement. Le Cheikh il dit, le combat dans le sentier d'Allah il a des règles, il a des conditions et des règles, des principes très clairs. C'est pas n'importe qui prend l'arme, hein, il prend une arme, commence à tuer, à exploser, à faire sauter. Non. Il faut que, pour que ce soit un djihad dans le sentier d'Allah, il faut que ce soit derrière le commandement du chef des musulmans et du président des musulmans, celui qui est à la tête du pays, qui est le chef de l'État, hein, dans un pays musulman quelconque. Peu importe que ce pays musulman-là soit un pays musulman qui applique la charia à 100% et qui est établi 100%, même si on sait que 100% c'est quelque chose qui est presque impossible ou que ça arrive très rarement, mais il y a des pays qui approchent, hein, ce degré-là ou qui arrivent à appliquer une grande partie de la charia, comme l'Arabie Saoudite par exemple, hein. Donc ça c'est un pays musulman, et ils ont un dirigeant là-bas, donc ce dirigeant-là c'est derrière lui, s'il y a un djihad, que les musulmans le font là-bas. Hein, les Saoudiens vont faire le djihad derrière leurs dirigeants. Et si c'est un autre pays musulman, même s'ils n'ont pas appliqué la charia à 100% ou toute en partie, mais ils ont quand même des éléments de la charia dans leur pays, eh bien, le dirigeant dans ces pays-là, yani, tant qu'il fait la salat et qu'il hein, il défend l'islam, il croit en l'islam, ce sont des pays musulmans et ces dirigeants-là sont musulmans et ceux qui yani, obéissent aux ordres de ces dirigeants-là lorsqu'ils leur ordonnent de combattre les Khawarij ou bien d'attaquer les ennemis de l'islam ou les ennemis des musulmans dans ce pays-là, eh bien, yani, ça c'est un djihad pour eux lorsqu'ils combattent pour le faire. Et donc, c'est pas avec des petits groupes comme on dit, le Cheikh il dit, c'est pas n'importe qui, hein, qui décide yani, de prendre les armes puis ça y est. Donc, soit que le cheikh il dit, soit que le dirigeant il va faire lui-même partie yani de l'armée, qui va être à la tête de l'armée, qui va partir au combat, ou bien qu'il va être derrière, il va diriger, puis il y a quelqu'un d'autre qui va être yani, à la tête de l'armée à sa place et qui va être son représentant ou bien son capitaine yani, ou des choses comme ça. Donc dans ce cas-là yani, ça c'est une armée qui est dans le sentier d'Allah. Et il établit, il dit que d'établir le djihad, ça fait partie des particularités et des spécificités du chef de l'État musulman, du wali ul amr. C'est pas n'importe qui. Yani, comme dans l'islam, beaucoup de musulmans ne comprennent pas ce principe-là. C'est qu'il y a des règles dans l'islam, n'importe quel chaque musulman est obligé de l'établir et de l'appliquer lui-même. Par exemple, la salat. Tu es obligé de faire la salat. Et quand tu es chez toi, par exemple, si tu vas prier chez toi, tu vas être imam, ta famille prie derrière toi, tu es à la mosquée, hein, tu vas prier, les gens sont derrière l'imam. Dans les pays musulmans, c'est le dirigeant qui gère ça aussi. Il établit, il y a un ministère qui s'occupe des affaires religieuses, il place dans chaque mosquée quelqu'un qui est apte à être imam, et c'est lui qui dirige la prière pour les gens. Mais dans les pays non musulmans, par exemple, bon, les musulmans s'organisent malgré qu'il n'y a pas de dirigeant. Hein? Les musulmans s'organisent, font la prière. Si l'imam est absent, ils disent à un, ok, mets-toi devant, tu vas diriger la salat, et puis ils prient. Ça, c'est correct. Mais il y a d'autres règles de la religion, on ne peut pas le faire, sauf si on a l'autorité politique et qu'on est le chef de l'État. Comme par exemple, établir les peines de la charia, ou bien déterminer le djihad, ou des choses de ce genre. Ça, c'est des choses spécifiques, uniquement un dirigeant peut le faire. Et si quelqu'un d'autre qu'un dirigeant essaie de le mettre en application ou de l'appliquer, il prétend que, ah, mais lui, le dirigeant, il ne le fait pas. Donc, puisque lui, il ne le fait pas, moi, je vais le faire. Non, ce n'est pas comme ça. S'il le fait, alhamdoulilah, c'est lui qui sera récompensé. S'il ne le fait pas, c'est lui qui sera puni, pas toi. Alors toi tu restes assis et tu attends que le dirigeant te dise qu'est-ce que tu dois faire. Et s'il ne le fait pas, tu vas pas prendre un péché parce que c'est pas ta faute à toi. Hein? À moins que tu aies la capacité de lui faire le bon conseil et lui c'est à la suite de prendre la décision. Mais s'il ne le fait pas, tu as fait ce qui était obligatoire pour toi. C'est-à-dire tu lui as donné le conseil. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils pensent quelque chose est mieux, mais ils ne savent pas. Le dirigeant, il connaît mieux les conséquences et les situations que certains individus, parfois, qui prétendent mieux comprendre la situation que eux. Donc, le cheikh, il dit, donc, si c'est un dirigeant musulman, c'est lui qui décide du djihad, et c'est une de ses spécificités, de ses particularités. Et les musulmans doivent faire le djihad avec ce dirigeant-là. Même si c'est un pécheur, même si c'est pas un bon musulman, même si c'est quelqu'un qui est injuste, même si c'est quelqu'un qui boit de l'alcool, même si c'est un dirigeant qui fait le zina, ou même s'il fait des péchés publiquement, hein, malgré tout, s'il ordonne aux musulmans de faire le djihad, on est obligé de faire le djihad avec lui. C'est pas une condition qu'il soit un exemple de piété et de vertu et d'honnêteté et de justice parfaite. Non. Hein? Ça, c'est quelque chose qui est, hein, contrairement à ce que certains égarés, comme les Khawarij et les Shia Rafida, qu'est-ce qu'ils disent, eux? Ils pensent que le dirigeant, il faut qu'il soit parfait. Il faut qu'il soit infaillible. Il faut qu'il n'y ait aucun péché, aucune erreur, aucune faute. Sinon, ils disent, on ne t'obéit pas. Ça, c'est pas la voie d'Ahl Sunnah et Wal Jama'a. Les gens d'Ahl Sunnah, ils obéissent, ils écoutent le dirigeant dans le bien, hein, et si il ordonne de faire quelque chose qui est bien, on obéit selon notre capacité, mais s'il ordonne de faire un péché, on dit non. Hein? Dans ce cas-là, on n'obéit pas dans le péché. Mais même si c'est un quelqu'un qui est un pécheur et qui n'est pas un bon musulman, on va pas dire qu'on va pas l'obéir dans le bien parce que c'est un pécheur. Non, on l'obéit dans le bien, même si c'est un pécheur. Et on fait le djihad avec lui, même si c'est un pécheur. Tant qu'il ne nous ordonne pas de faire un péché. Et le cheikh, il dit, du moment qu'il n'a pas rejeté la foi, qu'il est musulman, et qu'il ordonne de faire le djihad, donc il doit être obéi. Et on doit faire le djihad avec lui dans le sentier d'Allah. Mais par contre, le chaos et le désordre, que chacun puisse porter une arme, et faire sauter qui il veut, et tuer qui il veut, il dit ça, ce n'est pas dans le sentier d'Allah, ça c'est du désordre, c'est de la corruption sur la terre, du désordre sur la terre, et c'est ça le chaos. Hein? Et l'islam n'a pas permis cela. Et l'islam ne l'accepte pas, il ne le tolère pas. Hein? Et donc, pourquoi? Parce que ça ramène le sang qui coule inutilement, hein, de façon interdite, et ça fait perdre les droits des gens, ça gaspille les richesses et les biens, ça ramène de la fitna, et donc ce n'est pas du djihad. Et le résultat et la conclusion de ça, de ce chaos et de ce désordre, eh bien c'est encore plus de désordre et la perte de la sécurité, hein, et c'est ça ce qu'on constate actuellement. Regardez qu'est-ce qui se passe ailleurs, vous allez voir, la Syrie, l'Irak, hein, l'Afghanistan, la Libye et autres, hein, Allah al-Musta'an, personne n'est gagnant dans ces situations-là. Personne n'est gagnant dans ces situations-là. Allah al-Musta'an. Donc on va s'arrêter ici pour ce cours. On continue, Inch'Allah, probablement lundi. Lundi, on continue. On est presque à la fin de cette aqidah de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Donc, probablement qu'on a encore pour trois cours encore. Inch'Allah. Et puis ce sera complété. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.